Le comité préparatoire pour la célébration du 105e anniversaire de naissance du camarade Kim Il-sung, grand leader, est constitué au Parti communiste, les communistes de Russie, et le comité préparatoire tanzanien pour le 105e anniversaire de naissance du camarade Kim Il-sung à Dar es Salaam, ainsi que le comité préparatoire pour la journée du soleil au Parti communiste allemand. Ils ont décidé d'organiser diverses cérémonies politico-culturelles à l'éloge de la vie révolutionnaire sacrée et des exploits immortels du président. Par ailleurs, le comité préparatoire britannique pour le 105e anniversaire de naissance du camarade Kim Il-sung, grand leader, est constitué en nom commun du nouveau parti communiste, de l'association d'études de la politique de Songun, du cercle d'études des idées du Jutsu et de l'association d'amitié Grande-Bretagne-Corée.